cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est ma femme. J'ai tout donné, mon amour et tout mon cœur à ma femme. Et même la nuit quand je rêve, cette fifi, ma petite femme. Ce n'est pas qu'elle soit belle, qu'elle soit riche ni jojo, mais je l'aime. Cet idiot, elle me fout des coups, elle me prend mes sous. Je suis à bout, mais malgré tout, que voulez-vous, ah, je l'ai tellement dans la peau, j'en viens marteau. Dès qu'elle